Chapitre 6. Comment le père Lustucru confia ses odieux projets à Nicolas Faribol. Le père Lustucru chercha donc un complice. Il avait d'abord pensé à le prendre parmi les domestiques de la maison, mais il réfléchit que tous étaient dévoués à la mère Michel, qu'il serait capable de le vendre, de le faire chasser honteusement de l'hôtel où il occupait un poste si honorable et si lucratif. Pourtant, il avait besoin d'un complice. Dans quelle classe, de quel âge, de quel sexe, à quelles conditions devait-il le choisir? Préoccupé par ses idées, Lustucru sortit un matin vers 6h25 pour aller se promener sur le quai. Quand il eut franchi le seuil, il remarqua de l'autre côté de la rue une grande femme, sèche, anguleuse, vêtue de couleurs vives et discordantes. Cette femme avait les yeux creux, le teint jaune et cuivré, le nez d'un oiseau de proie, la figure ridée comme une vieille pomme de rainette. Elle causait avec un garçon d'environ 14 ans, couvert de haillons, mais d'une physionomie éveillée et intelligente. Le père Lustucru crut reconnaître l'étrange vieille sans se rappeler où il l'avait vue. S'il avait été moins rêveur, il aurait plus longuement fouillé dans ses souvenirs. Mais l'idée de se défaire du chat l'absorbait entièrement, et il continua sa route, l'air soucieux, le front penché, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fixés vers la terre, comme s'il en dût sortir le complice qu'il désirait. Il erra ainsi pendant quelque temps, sans que la brise du matin rafraîchît son sang échauffé par les passions mauvaises, sans que la vue d'un ciel pur et le chant des oiseaux, qui se jouaient au fond du fleuve, éveillassent en lui ces émotions calmes et douces qu'inspire aux bonnes gens le lever de l'aurore. Au moment où il entra, la vieille femme n'était plus là. Mais son jeune interlocuteur était resté à la même place, assis sur une borne, le nez en l'air et contemplant l'hôtel de la Grenouillère avec une attention soutenue. Lustucru s'approcha de lui et l'apostropha en ces termes. « Que fais-tu là, mon garçon ?»« Moi, rien, je regarde cette maison. »« Je le crois sans peine, mais pourquoi la regardes-tu »« Parce que je la trouve belle et que je voudrais bien y demeurer. » On doit être heureux là-dedans. Mais oui, répliqua le maître d'hôtel avec emphase. On y coule des jours assez fortunés. Quelle est donc cette femme avec laquelle tu causais tout à l'heure? C'est Madame Bradamore. Madame Bradamore, la fameuse tireuse de cartes qui demeure là-bas, à l'autre bout de la rue? Précisément. Tu la connais? Un peu, je fais quelquefois des commissions pour elle. Ah ah! Et que te disait cette vieille sorcière? Elle me disait que si je pouvais entrer dans l'hôtel en qualité de domestique, j'aurais une existence agréable. Madame de la Grenouillère est absente, mon petit ami, et d'ailleurs sa maison est au grand complet. Quel dommage ! Soupira le jeune garçon en poussant un profond soupir. Le père Lustucru fit quelques pas comme pour rentrer, posa la main sur le marteau de la porte, puis il se retourna et revint brusquement près de l'enfant. « Comment t'appelles-tu ? » « Nicolas Langlumet, comme mon père. Mais je suis plus généralement connu sous le sobriquet de Faribol. »« Quel est ton état ? » ?»« Je n'en ai pas. Mon père travaille sur le port, et moi, je vis au jour le jour, gagnant mon pain comme je le puis. Je fais des commissions, je débite des hannetons, des merles et des pierrots. Je ramasse dans les ruisseaux des clous que je vends sur le quai de la ferraille. J'ouvre les portières des carrosses de place. » Je pêche des bûches dans la Seine, je chante des couplets sur le pont neuf, j'allume des lampions à la fête du roi, et je joue quelquefois les monstres au théâtre du Sieur Nicolet. Tous ces métiers-là, monsieur, n'en valent pas un seul bon, et j'ai bien du mal à manger tous les jours. Tu m'intéresses, répartit le père Lustucru, et j'ai bien envie de te faire une position dans le monde. Dis-moi, Faribol, as-tu du goût pour la cuisine? Parbleu, j'aime les bons morceaux. « Mais mes moyens ne me permettent pas. »« Je ne te demande pas si tu es gourmand, maroufle. Je te demande si tu as du goût, des dispositions pour faire la cuisine. »« Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. »« Eh bien, Faribol, je te donnerai des leçons. Viens, suis-moi. Je t'équiperai et je t'entretiendrai à mes frais en attendant l'arrivée de Madame de la Grenouillère. »« C'est une bonne femme, elle te gardera sans doute. »« Mais dans le cas contraire... » Ton éducation sera commencée et tu pourras te placer ailleurs. « Vous êtes donc de la maison de madame la comtesse ?»« Je suis son maître d'hôtel, » dit fièrement le père Lustucru. Les yeux de Faribault étincelèrent de plaisir. Il s'inclina respectueusement devant monsieur le maître d'hôtel et lui dit avec effusion « Que de reconnaissance je vous devrais !» Faribault fut installé le jour même et cordialement accepté par les autres serviteurs du logis. C'était un garçon de bonne humeur, serviable, alerte, et quoiqu'il fût gauche dans ses nouveaux habits et dans ses nouvelles fonctions, il montrait beaucoup de bonne volonté. « Faribault, » dit quelques jours après le maître d'hôtel à son protégé, « il est bon de t'instruire des allures de la maison. Il y a ici un individu tout-puissant qui règne en maître souverain, dont on suit les volontés, dont on prévient les caprices, et cet individu, c'est un chat. Si tu veux te faire bien venir de tout le monde, il faut tâcher de plaire au chat moumoute. Si le chat moumoute t'accorde ton affection, tu auras, par ricochet, celle de madame de la Grenouillère et de sa femme de compagnie, la mère Michel. Le chat sera mon ami et je serai l'ami du chat, répondit le jeune drôle avec assurance. En effet, il accabla moumoute de tant de prévenances, de caresses, de bons procédés, que celui-ci, quoique naturellement défiant, conçut un vif attachement pour Faribault. Il le suivait avec plaisir, l'agaçait, l'invitait par de vives gambades à badiner avec lui. La mère Michel était presque jalouse du petit garçon. Le père Lustucru, qui avait ses vues, riait sous cape et se frottait les mains. Un soir, il manda Faribault dans sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, après s'être bien assuré que personne ne prêtait l'oreille. « Moumoute est ton ami, lui dit-il. Tu as parfaitement suivi mes recommandations. » « Je resterai attaché à la maison, n'est-ce pas ? » demanda l'enfant. « Probablement. Tu t'y trouves donc bien. » « Sans doute. Moi qui vivais de pain noir, je fais 4 bons repas par jour. J'avais une méchante blouse trouée et des culottes rapiécetées, et maintenant je suis vêtu comme un prince. Je ne souffle plus du froid, et au lieu de coucher à la belle étoile, je m'endors tous les soirs dans un excellent lit, où je rêve de pain d'épices et de gâteaux à la frangipane. » Le père Lustucru appuya son menton sur la paume de sa main droite et fixa sur Faribault des yeux perçants en lui disant « S'il te fallait reprendre la vie vagabonde à laquelle je t'ai soustrait, je crois que j'en mourrais de chagrin. Tu ferais donc tout pour conserver ta position actuelle. Je ferais tout. » « Tout ? Absolument tout. Eh bien, voici ce que j'exige impérieusement de toi. » Moumoute te suit volontiers. Tu l'attireras demain dans le jardin à la nuit tombante. Tu le mettras dans un sac que j'ai fabriqué tout exprès. Tu serreras les cordons du sac. Et puis, dit Faribault qui ouvrait de grands yeux, nous nous armerons chacun d'un bâton et nous taperons sur le sac jusqu'à ce que mort s'en suive. Jamais, jamais, s'écria le pauvre garçon dont les cheveux se hérissaient d'épouvante. « Alors fais ton paquet bien vite et va-t'en, je te chasse. »« Vous me chassez ?» reprit le jeune Faribault en levant les mains au ciel. « Je ne t'accorde pas 5 minutes pour décamper. Tu dépends de moi ici, uniquement de moi. » Le malheureux Faribault se mit à pleurer et le maître d'hôtel ajouta avec un accent farouche. « Allons, pas de grimaces, quitte tes habits, reprends tes guenilles et disparais. » Après avoir prononcé ces mots, Lustucru tira d'une armoire les misérables vêtements que portait Faribault le jour de son installation. Il les saisit dédaigneusement entre le pouce et l'index et les jeta sur le parquet. L'enfant regarda d'un air désolé les habits dont il était couvert, les compara à ceux qu'il lui fallait reprendre, et, la comparaison n'étant pas en faveur de ces derniers, il poussa des sanglots déchirants. Pourtant, il était décidé à ne pas acheter sa belle parure au prix d'un meurtre et d'une horrible perfidie. Il ôta résolument sa veste puis son gilet, mais à l'idée de renoncer à ses souliers neufs pour marcher pieds nus comme autrefois dans des chemins émaillés de gravier et de verre cassé, l'infortuné Faribault eut un moment d'hésitation, et le père Lustucru, qui l'observait fixement, profita de la circonstance en diplomate consommé. « Imbécile, dit-il, tu refuses le bonheur tandis qu'il te serait si facile de le conserver. Si je te proposais la mort d'un homme, je concevrais, j'éprouverais même tes scrupules. Mais je te propose celle d'un chat, d'un simple chat. Que trouves-tu là de si terrible? Qu'est-ce que c'est qu'un chat ? Rien, moins que rien. On n'attache pas le moindre prix à la vie des chats. Ces cabaretiers en font manger à leur pratique. Les médecins les plus célèbres en massacrent des centaines dans leurs expériences. On fait si peu de cas des chats que lorsqu'une mère en met au monde 7 ou 8, on n'en garde qu'un seul et l'on jette le reste dans la rivière. « Mais Moumout est grand, Moumout est tout élevé, » dit Faribault d'un ton plaintif. « Et puis, vous ne savez pas, je l'aime. »« Tu l'aimes, tu oses l'aimer, » s'écria le maître d'hôtel avec une rage inexprimable. « Eh bien, moi, je le déteste, je veux qu'il meure. » « Mais que vous a-t-il donc fait ?»« Que t'importe, je veux qu'il meure, voilà tout. »« Grâce pour lui !» dit Faribault en se jetant aux pieds de l'implacable Lustucru. « Point de grâce !» répondit Lustucru d'une voix sifflante tant il avait les dents serrées. « Point de grâce ni pour lui ni pour toi. Allons, pars, décampe à l'instant même. Il pleut à verse, tu seras trempé, tu mourras de froid cette nuit, tant mieux !» Une pluie battante mêlée de grêlons fouettait les vitres de la chambre, et le vent s'engouffrait, avec des mugissements lugubres, dans les longs corridors de l'hôtel. Alors, le pauvre Faribault songea au froid qui allait le saisir, aux privations qui l'attendaient, à l'exiguïté de ses ressources, à l'immensité de son appétit, au désagrément de coucher sur les grèves humides de la Seine. Le génie du mal s'empara de lui et lui souffla à l'oreille ces mots du père Lustucru. « Qu'est-ce qu'un chat ?»« Monsieur Lustucru, » dit-il en pleurant, « ne me renvoyez pas, je ferai ce que vous voudrez. »« Demain, à la chute du jour, tu attireras Moumout dans le jardin ?»« Oui, monsieur Lustucru. » « Tu le mettras dans ce sac ?»« Oui, monsieur Lustucru. »« Et tu frapperas avec moi ?» La réponse à cette question se fit longtemps attendre. Faribault pâlit, ses jambes se dérobèrent sous lui. Enfin, il courba la tête en laissant pendre ses bras le long de son corps, comme s'il eût fléchi sous le poids de sa destinée, et murmura d'une voix éteinte. « Oui, monsieur Lustucru. »